À vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. 1100 tonnes de marchandises et 50 passagers constituent la capacité du bateau en cours de construction à Kabedi. Le ministère ayant le commerce dans ses attributions trouve que ce bateau constitue un atout pour le transport maritime au Burundi. Et plus de 29% est la couverture contraceptive que possédait la province Kayanza au cours de l'année 2022. C'est ce qu'a indiqué le bureau provincial de la santé dans cette province du nord du pays. Et après ce journal, je vais céder le micro à Jean Bosco Nduimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue pour les détails. La radio de l'avenir. Je vous le disais tantôt, transport pour commencer cette édition. Le bateau en cours de construction à Kabedi, province Bujumbura, a la capacité de 50 personnes et 1600 tonnes via le lac Tanganyika. Annonce du ministre en charge du commerce lors d'une descente conjointe avec le ministère en charge du développement communautaire effectuée ce jeudi. Marie-Chantal Ndjimbere ajoute que ce sera un atout pour le pays une fois que le transport maritime aura commencé. Nous venons d'effectuer une visite sur le chantier naval qui se situe en province de Bujumbura, dans la commune de Kabedi. L'objectif de cette visite était de s'enquérir de l'état d'avancement de ce chantier naval. Nous apprécions l'état d'avancement des travaux de construction de ce chantier naval, qui sera un bateau pouvant transporter plus de 1600 tonnes, mais aussi à peu près 50 passagers. C'est un projet qui va faciliter l'échange des biens et services via le lac Tanganyika. Un bateau qui peut transporter 1600 tonnes va aussi nous permettre dans la réduction non seulement du coût de transport vers le lac Tanganyika, mais également dans la réduction des coûts des biens et services en nous permettant de réduire le temps et le coût de transport vers le lac Tanganyika. Nous apprécions alors l'état d'avancement des travaux. Nous nous interpellons à ces investissements de fournir plus d'efforts pour qu'à la fin de cette année, on puisse effectivement voir le premier bateau burundais entrer dans le lac Tanganyika. Mais également, nous interpellons à l'autorité maritime portuaire pour accompagner ces investisseurs afin qu'ils puissent avoir la certification de ce bateau pour la confirmation que ce bateau respecte les normes, que ce soit les normes internationales dans le secteur de navigation. Commerce à présent, la flambée des prix de certaines denrées alimentaires continue à s'observer dans la province de Bururi. Un kilogramme de grains de maïs s'achète à un prix variant entre 1800 et 3000 francs burundais, alors que les deux derniers mois s'achetaient à 1600 francs burundais. Celui de riz s'achète à un prix variant entre 3000 et 3800 selon la qualité de ces produits. Le prix des haricots a également monté. Certains des commerçants disent qu'ils ne trouvent plus là où s'approvisionner. D'autres expliquent qu'ils s'en approvisionnent au prix exorbitant. Tous demandent au gouvernement de faciliter l'importation de ces denrées. Zeno Nzambimana. Dans certaines boutiques du marché d'Obururi et de ses environs, un kilogramme de riz s'achète à un prix variant entre 3100 et 3800 francs burundais. C'est au moment où les deux derniers mois, le même kilogramme s'achetait à un prix variant entre 2800 et 3300 francs burundais. Un kilogramme de grains de maïs, dernière qualité, s'achète aujourd'hui à un prix variant entre 1800 et 2000 francs burundais, alors qu'il s'achetait entre 1600 et 1800 francs burundais. Les grains de maïs de couleur jaune cultivés localement s'achètent à 3000 francs burundais le kilogramme. Celui de haricots se vend en prix variant entre 1800 et 2000 francs burundais, alors qu'il s'achetait en prix variant entre 1500 et 1700 francs burundais les deux derniers mois. Suite à cette hausse des prix, beaucoup de grognes se font entendre chez les acheteurs, dont certains qui disent qu'ils ne sont plus capables de faire des provisions. Interrogés à ce propos, certains des commerçants disent qu'ils ne trouvaient plus où s'approvisionner de ces denrées alimentaires. D'autres expliquent cette hausse des prix en disant qu'ils s'en approvisionnent eux aussi au prix exorbitant, car le bénéfice pour eux ne dépasse pas 100 francs burundais par kilogramme pour chacun chacun de ses marchandises. Au moment où le ministère ayant le commerce dans ses attributions et celui ayant l'agriculture dans ses attributions avait dernièrement autorisé l'importation de certaines des denrées alimentaires, dont le maïs, les acheteurs de la province de Broly demandent toujours avec insistance à ces ministères de faire tout pour faciliter l'importation de ces marchandises pour qu'ils arrivent à Broly au prix abordable. Depuis Broly, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. De Bururi Cap Sir Boubanza, où les cultivateurs de cette province disent qu'ils sont confrontés aux prix élevés des semences comme le haricot, le maïs, le soja et autres, alors qu'ils sont confrontés à la pauvreté, comme ils le disent. Un kilo de maïs sélectionné coûte actuellement plus de 8000 francs, le maïs local plus de 2000 francs dans différents marchés. Le haricot varie entre 4000 et 2000 francs le kilo. Les autorités administratives disent que les prix des semences grimpent normalement lors du semis, mais elles mettent en garde des commerçants spéculateurs. Spes Caritas Cabanyan. Les prix des semences ont grimpé ces derniers jours sur différents marchés de cette province. Les cultivateurs, aux moyens limités seulement, disent ne pas voir comment planter des superficies déjà labourées. Un kilo de maïs sélectionné, par exemple, à la Direction provinciale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement, coûte actuellement 8 250 francs burundais, un prix jugé exorbitant par les cultivateurs. À la DPAE Ouansa, on explique qu'il s'agit de semences importées de l'extérieur du pays et qui ont coûté cher. Le maïs qui était disponible à la DPAE Ouansa il y a un mois coûtait 3 200 francs le kilo. Un kilo de maïs local coûte 2 000 à 2 500 francs sur différents marchés. Il coûtait 1 500 francs il y a un mois. Le haricot de type Kajemungangara, beaucoup cultivé dans cette province, coûte 3 000 à 4 000 francs le kilo. C'était 2 500 francs il y a deux mois. Cela étant, les responsables administratifs et les responsables agricoles reconnaissent que les semences sont normalement chères au moment du semis. Cependant, ils mettent en garde les commerçants qui exagèrent et qui fixent les prix comme ils l'entendent. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Éducation à présent, la pléthore d'étudiants fréquentant l'université du Burundi entrave l'extension des bâtiments pour les héberger. C'est une des réponses du ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique jeudi de la semaine en cours lors des questions orales à l'Assemblée nationale. Quant au recrutement basé sur l'appartenance politique selon certains députés, le ministre François Vialimana précise que c'est la compétence qui est tenue en considération. Omer Ndouaï. Lors des questions orales ce jeudi, le député Agathon Rwasa a suggéré au gouvernement de construire les hommes universitaires en suffisance pour que tous les étudiants soient pris en charge au même pied d'égalité. Ici, le ministre de l'Éducation évoque l'impossibilité de construire des bâtiments pour tous les étudiants. François Vialimana précise que les étudiants sont trop nombreux. Le député Bernard Ndayisenga, lui, estime que le recrutement dans le ministère de l'Éducation se fait sur base des critères politiques. À cette préoccupation, le ministre Ravyarimana rejette l'appartenance politique dans le recrutement. Il évoque plutôt le critère de compétence. Quant aux contributions que demandent certains directeurs des écoles fondamentales, le ministre de l'Éducation explique que ces fonds sont destinés à appuyer le fonctionnement des écoles. Merci Omer Ndouaï. Justice à présent, la loi régissant la profession d'avocat date de longtemps et mérite une actualisation. Observation faite lors du conseil des ministres tenu ce jeudi. Prosper Nhagwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, précise que l'une de ses innovations est d'adapter la loi au système BMD pour donner accès aux bacheliers en droit. Il convient donc d'actualiser cette loi devenue aujourd'hui anachronique pour répondre aux exigences du moment. Les principales innovations du projet de loi sont les suivantes. Adapter la loi au système BMD afin de donner une réponse aux demandes incessantes des bacheliers en droit qui veulent embrasser la carrière d'avocat. Car la loi en vigueur admet uniquement comme avocat stagiaire les titulaires d'au moins une licence en droit. Prévoit une formation professionnelle initiale obligatoire avant d'être admis comme avocat stagiaire. Prévoir une formation professionnelle continue obligatoire pour tout avocat actif pour adapter les connaissances intellectuelles des avocats à l'évolution de la société et de la science. mettre en place un cadre de coordination des barreaux, en l'occurrence un conseil national des barreaux, pour parer à d'éventuels contentieux qui peuvent naître entre les avocats ressortissants des différents barreaux. Tenir compte de l'intégration du Burundi dans l'EAC, car la mobilité transfrontalière des avocats doit être une réalité. Après échange et débat, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, d'étendre l'interdiction d'exercer la profession d'avocat à celui qui a été révoqué dans une institution étatique à statut spécifique comme l'OBR, la BRB, etc. Bien mentionner le serment que l'avocat doit prêter. Rester ouvert aux autres communautés régionales dont le Burundi est membre, en plus de l'EAC. En ce qui concerne le diplôme exigé pour être avocat statut, préciser que c'est le diplôme de baccalauréat équivalent d'une université reconnue au Burundi ou d'un diplôme étranger admis en équivalence académique au Burundi. Préciser ce qui sera fait pour un stagiaire qui échoue plus d'une fois au test de passage du petit tableau au grand tableau. Préciser que l'assistance en vulnérable par un avocat désigné est gratuite et que ce vulnérable ne peut pas être de la famille de l'avocat. Indiquer les sanctions appliquées en cas de défaillance exagérée d'un avocat. Prosper Nawgwami est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Poursuivons cette édition. 65 personnes, dont 25 hommes et 40 femmes de la province Kayanza, ont adopté cette année la vasectomie et la ligature des trompes comme méthode contraceptive. Pour être éligible à ces méthodes, le médecin directeur provincial à Kayanza parle d'un consentement mutuel entre les conjoints. Patrick Sengeyumba. Selon des données chiffrées fournies par le Bureau provincial de la santé en province Kayanza, c'est 20 hommes à qui on a fait la vasectomie, de même que ces 40 femmes à qui on a fait la ligature des trompes comme méthode contraceptive. Beaucoup sont des communes Kayanza et Muruta. Les mêmes données montrent également que 78 personnes, dont 20 hommes et 56 femmes, ont adopté ces nouvelles méthodes contraceptives l'année passée. Nyonzima Pascal, médecin directeur provincial à Kayanza, indique que des femmes font recours à la ligature des trompes beaucoup par rapport à la vasectomie chez des hommes. Pour être admis à ces nouvelles méthodes contraceptives liées à la ligature des trompes et la vasectomie, le directeur du Bureau provincial de la santé à Kayanza indique que des conjoints doivent en être en commun accord et que l'on considère également l'âge et le nombre d'enfants. Pourtant, Dr. Pascal Nyonzima fait savoir que même une couple ne disposant pas beaucoup d'enfants peut avoir accès à ces méthodes après avoir bien argumenté sur les causes de la demande de ces méthodes contraceptives pouvant être, selon lui, des cas de maladie ou la pauvreté dans le ménage par exemple. Cette année encore, la province sanitaire de Kayanza a un taux de prévalence contraceptive de 29,2% au moment où l'objectif du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida est de 40%. Le médecin directeur provincial à Kayanza interpelle l'administration à s'impliquer davantage dans des sensibilisations de la population à Kayanza sur l'importance de la planification familiale, surtout pour limiter la démographie galopante en cette province, ajoute le docteur Pascal Nyonzima. Toutefois, certaines des familles à Kayanza contactées à ce propos déplorent des effets secondaires de certaines de ces méthodes contraceptives. Celle-ci, le directeur du Bureau provincial de la santé à Kayanza leur demande de se confier aux structures de soins qui leur sont proches pour une prise en charge qui est d'ailleurs, selon lui, gratuite. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Sanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva. Restons dans cette province du nord du pays où l'exode rural a des répercussions négatives sur les familles. Certaines familles mariées font des enfants en dehors de leur foyer et les hommes partis à la recherche du travail dans d'autres provinces du pays se marient à d'autres femmes. Ceci est confirmé par le conseil social de l'administrateur de la commune Gatara. Pour pallier cette problématique, Donatien Koubguimana appelle les hommes une fois partis chercher du travail ailleurs à se souvenir de leur famille. Suivez-les, il est traduit en français par Jérôme Hakidimana. Parmi les dossiers que nous recevons, figurent ceux des hommes partis chercher du travail dans d'autres provinces à cause de la pauvreté ou par manque de terres cultivables. Ces hommes, à leur retour, trouvent leurs femmes déjà récupérées par d'autres hommes et vice-versa. Ibyo bishobora gushika kandi no kubagabo iyo bagiye nahone bagashobora kubyarana n'abandi bantu impanuro twahabubakanye icyane nous conseillons un dialogue profond en ce ménage que la décision d'aller chercher du travail se discute bien avant et que ces hommes fassent des sauts à la maison pour continuer à participer dans la gestion du ménage n'umugore hama kandi umugabo agiye akamara umwanya atari muremure cyane hanyuma ico duhanura abagabo na autre chose il faut que les hommes évitent le concubinage là où ils vont travailler car ça peut être une source de conflit qui engendre beaucoup de conséquences yabandi bakenyetse kuko navyo birashobora kuba amamuko y'amatati. Et pour boucler cette édition, les conditions de vie des motards et conducteurs burundais de tuk-tuk ayant traversé la frontière avec leur danger jusqu'à ouvrir en RDC sont bonnes. Cela fait suite à la mesure interdisant ces moyens de transport de franchir certaines zones de la capitale économique Bujumbura. Les motards congolais, pour leur part, trouvent que ces Burundais font le travail à bas prix. Jérémy Kuhima. Pour certains, les conditions sont bonnes. Ils gagnent plus que ce qu'ils gagnaient au Burundi, mais leurs engins se détériorent très vite et ils rentrent trop sales. Ils sont d'ailleurs fatigués à cause des routes trop délabrées à Uvira. Puis un motard, le travail c'est mieux ici qu'au Burundi, car si vous avez 6000 francs congolais, c'est l'équivalent de 10000 francs burundais. Les problèmes, ce sont les routes trop délabrées et les inspecteurs. Mais en termes d'argent, on gagne la vie. Si on voit que tu es un Burundais, on ne vous respecte pas. Si vous avez bi, on vous ravit l'argent. Les Congolais, pour leur part, ils se plaignent que les Burundais sont devenus plus nombreux et ils acceptent n'importe quelle somme. Comme conducteur de bagages, je ne suis pas contre leur présence, mais ils sont devenus nombreux et ils travaillent à moins cher la course. Les bagages sont devenus nombreux et les motos à tel point que l'on ne gagne plus rien. Moi, je viens de faire un aller-retour sans rien gagner. Puis Uvira, Jérémy Kuhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy Kuhima. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à bon port. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Inosa Yonimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Jean Bosco Nduimana. Gardez l'écoute. De la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Vers l'implémentation du Bank Supervision Application dans les institutions de microfinance, annonce Burundi Echo. Ce journal rapporte que dans le but de relever le défi lié à la transmission des informations à la Banque centrale, celle-ci est dans le processus d'implémenter le nouveau logiciel dénommé Bank Supervision Application dans les IMF. Ce logiciel, déjà exploité par les banques commerciales depuis 2015, écrit Burundi Echo, permettra la transmission à distance des données sur support électronique, la notification automatisée des erreurs avec précision des cellules où il faut corriger, le renforcement de la qualité des informations transmises et en temps utile, l'automatisation du traitement des données, de la production des rapports, etc. Cependant, regrette son confrère spécialisé dans les questions socio-économiques, le BCA souffre de la dépendance à la connexion Internet, la mobilité des personnes formées en ce logiciel, de l'oubli des noms d'utilisateurs et des mots de passe, les frais annuels de maintenance, etc. L'hebdomadaire Burundi Echo précise que l'implémentation du BCA est appuyée par le projet d'appui à l'inclusion financière agricole et rurale du Burundi, PAIFAR-B, un projet du gouvernement financé par le FIDA. La voix de l'enseignant fait remarquer les trois importantes œuvres en éducation du président Melchior Ndadaye. En effet, souligne ce journal, malgré son règne éphémère, le président Ndadaye a laissé un impact indélébile dans le domaine de l'éducation. La province de Kirundo jubile toujours pour le lycée qu'il leur a donné, alors que le pouvoir précédent avait construit une prison. pour le lycée Kirundo, rappelle ce journal, le président Dadaï avait formulé une promesse de campagne lors de son passage dans cette province du pays de transformer la prison de Kirundo en lycée Kirundo. La promesse devient une réalité à la rentrée scolaire de septembre 1993-1994. Une autre chose, poursuit la voix de l'enseignant, c'est le décret numéro 100/147 du 14 octobre 1993 mettant en place l'Institut de pédagogie appliquée. Celle-ci vient remplacer l'Institut de pédagogie qui durait seulement 2 ans. L'IPR s'organise en 2 cycles de 3 ans et de 5 ans. Son objectif est de pourvoir les enseignants du cycle Collège et supérieur des humanités avec pour mission d'assurer la formation professionnelle pédagogique de haute qualité. Enfin, note cet hebdomadaire de l'éducation. Dans le domaine de l'enseignement militaire, à la surprise générale, un décret autorise les filles à entrer à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM, longtemps réservé aux seuls hommes. Une fille fréquente pour la première fois cette institution de formation militaire et ce fut une ouverture pour les autres filles dans les promotions qui ont suivi et elles sont aussi efficaces que leurs frères d'armes, conclut la voix de l'enseignant. Éducation toujours avec l'agence burundaise de presse qui rapporte que 91 directeurs et préfets des études récemment nommés en province de Bubanza bénéficient des séances de renforcement des capacités. Ces séances ont eu lieu les 19 et 20 octobre sur la gestion administrative, pédagogique et financière, précise ce journal. D'après le directeur provincial de l'éducation Claude Badougaritse, contacté par l'ABP, ce renforcement des capacités a été organisé après avoir constaté que certains nouveaux directeurs des écoles ont du mal à gérer le personnel, à traiter des dossiers disciplinaires et à planifier les activités. D'autres ne sont pas à mesure d'exploiter la grille de suivi des pratiques pédagogiques et font recours à ce qu'ils appellent des visites policières. D'autres n'ont pas de connaissances suffisantes sur la gestion financière, poursuit son confrère. Ils apprennent également l'organisation des réseaux scolaires. Tout cela, conclut le directeur provincial de l'éducation de Bubanza, toujours dans les colonnes de l'ABP, afin que ces autorités soient suffisamment outillées dès le début de l'année. Terminons cette revue de presse avec NetPress, qui nous révèle les noms de 4 personnalités de poigne qui voudraient remplacer Edouard Nduimana dans ses fonctions d'ombudsman du Burundi. Il s'agit de Madame Denise Wuchumi Nkurunziza, ancienne première dame, d'Alain Guillaume Wunyoni, ancien premier ministre, de Christian Nkurunziza, ancien gouverneur de Bururi, et de Sylvestre Ntibantunganya, ancien président de la République. Ce quotidien en ligne estime que pour le moment, les pronostics sont impossibles. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.